Chapitre 6, page 53, exercice 4. 1. Denise est d'une indiscrétion. Figure-toi qu'hier, je l'ai surprise en train de fouiller dans mes tiroirs. 2. Tout le monde sait que ces deux acteurs vivent ensemble, même s'ils font semblant de ne pas se connaître. 3. Nous cherchions à faire une surprise à Christine pour son anniversaire, mais malheureusement, sa petite fille a tout raconté à sa mère. 4. Sylvain a l'air d'un rustre, mais j'ai découvert qu'il était poète. Ça, je ne l'aurais jamais imaginé. 5. Je sais que résoudre ces problèmes sociaux ne sera pas facile. Il faut être lucide. 6. Personne ne connaît vraiment Jean-Jacques, car il reste dans l'ombre. Mais c'est lui qui conseille le maire. À vrai dire, on ne sait pas vraiment quel est son rôle. Tout cela est bien mystérieux.